Pour commencer cette semaine, la Fabrique de l'Histoire vous propose d'écouter deux jeunes, brillantes et brillants historiens et historiennes, auteurs de deux ouvrages qui sont chacun une sorte de programme pour l'histoire à venir, pas moins. Pour commencer, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau l'historien Yvan Jablonka, qui nous avait impressionné avec son précédent ouvrage « L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu aujourd'hui ». Il nous propose le travail de méthode qui a servi justement de socle à son ouvrage précédent. « L'histoire est une littérature contemporaine manifeste pour les sciences sociales » qu'il vient de publier au Seuil. Et puis en deuxième partie de cette émission, avec Anaïs Quien qui a préparé la semaine sur les rebelles de la Fabrique de l'Histoire, je recevrai la grande spécialiste de Venise au 15e-16e siècle, Claire Jude de la Rivière, qui publie chez Fayard, dans la collection L'épreuve de l'histoire, une analyse excitante d'une révolte de 1511 sur l'île de Murano, la révolte des boules de neige. Je vous engage à rester avec nous jusqu'au bout de cette émission, puisque nos invités vous proposeront, je pense, quelques pistes pour l'histoire de demain. Et pour commencer, dédions cette émission ce matin à la mémoire de Georges Walter, disparu le week-end dernier, écrivain, journaliste dont la voix profonde, le regard précis et amusé et le beau visage ont accompagné nos premiers pas dans le Culture Matin des années 80, du milieu des années 80. Il avait tenu tous les postes de journaliste puisqu'il a été présentateur du journal télévisé, chroniqueur de radio, reporter et même nègre pour un livre, Le Palanquin des Larmes, qui a été un immense succès dans les années 70. Il était également l'ami de Kessel, à propos duquel il témoignait dans Une vie, une œuvre, signée Françoise Esteb et Jean-Claude Loiseau sur France Culture. On l'écoute. Kessel a été un grand journaliste parce qu'il était un grand écrivain avant tout, un conteur et un romancier né. Et la qualité, enfin l'essentiel de l'écrivain, c'est le regard, c'est le visionnaire, et que sans imagination, on n'est pas un grand journaliste. Alors, il faut s'entendre sur le mot imagination. Par imagination, j'entends la force du regard, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est une qualité essentiellement de romancier, d'écrivain, de conteur. Kessel, c'est un homme de la race des conteurs. Il a voulu raconter des histoires, de belles histoires. Toute sa vie, c'était ça. Et il rencontrait de belles histoires, il rencontrait des hommes étonnants dans la vie et dans sa vie de journaliste, et d'où des reportages fabuleux, des choses uniques, qui sont des espèces de romans aussi, et c'est pour ça qu'il y en a certains qui l'ont transformé en roman, comme un reportage sur la route des esclaves au XXe siècle, et la rencontre de ce sont des choses de l'ordre du fabuleux. Voilà, c'était la voix de Georges Walter qu'on n'entendra plus de vive voix, mais néanmoins, il est resté dans nos têtes et évidemment dans notre mémoire. Il restera pendant longtemps. Bonjour Yvan Jablonka. Quoi de mieux que cette voix pour introduire au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, votre livre « L'histoire est une littérature contemporaine, manifeste pour les sciences sociales » puisque Georges Walter nous dit que sans imagination, on n'est pas un grand journaliste, et vous dites « sans imagination, on n'est pas un grand historien ». C'est vrai que c'est important de rappeler que l'imagination a un rôle capital en histoire parce que ça sert à inventer des problèmes, à trouver des nouvelles formulations, à inventer des archives, c'est-à-dire des objets, des rencontres, des témoins qui deviendront archives et qui permettront de répondre à la question que l'on se pose. Mais ce qui est aussi admirable dans l'écriture de Kessel, c'est une écriture qui ne cherche pas simplement à représenter le monde, mais à le comprendre. Mmh. Et ça, je crois que ça fait aussi partie de la démarche des sciences sociales. C'est-à-dire que Kessel a fait une littérature traversé par cette volonté de comprendre ce que les hommes font, traversé par cette volonté de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, ses œuvres complètes s'appellent « Témoins parmi les hommes ». Et cette expression magnifique, « Témoins parmi les hommes », ça pourrait être la devise de n'importe quel chercheur en sciences sociales. Nous vivons parmi les hommes et nous nous posons des questions qui permettent d'expliciter, d'éclairer notre propre vie, notre propre histoire. Vous écrivez donc un manifeste pour les sciences sociales qui s'intitule « L'histoire est une littérature contemporaine » et vous y dites que l'histoire est également quelque chose qui est très proche du raisonnement du reporter, du journaliste, de l'enquête judiciaire. Et là, évidemment, on voit l'impact de Ginsburg et de ses travaux sur vous, de la relation de voyage, du récit de vie, et que tout compte fait, l'histoire participe de toutes ces façons d'écrire le monde et de le décrire, Yvan Jablanca. Oui, je crois. C'est important de se demander ce que nous faisons, nous, les chercheurs en sciences sociales et les historiens en particulier. Et quand on réfléchit, quand on revient un petit peu aux fondamentaux de notre métier, on s'aperçoit que ce qu'on cherche, c'est à comprendre ce que les hommes font, ce qui nous arrive ou ce qui arrive. Et c'est vrai que quand on décompose toutes ces opérations intellectuelles, on voit qu'il y a une enquête et une prise de distance sur un problème ou sur une réalité, la collecte de sources, un effort de comparaison. Mais tout ça, on n'est pas les seuls à le faire. C'est-à-dire qu'un grand reporter fait la même chose, un enquêteur, un juge à certains égards. Et c'est vrai, pour moi, c'est important de réintroduire l'histoire et les sciences sociales dans toutes ces formes d'écriture, mais aussi ces pratiques intellectuelles. On essaye de comprendre ce qui est arrivé et ce qui s'est passé. Mais pourquoi faire un manifeste ? Parce que ça ne va pas de soi, ce que vous êtes en train de nous dire là. Enfin, en tout cas, ça ne va pas de soi pour les historiens qui nous ont précédés. Ça va de soi peut-être pour des gens de ma génération ou de la vôtre. Et encore, ça n'est pas tout à fait évident, mais ça ne va pas de soi. Disons qu'on peut dire que l'université souffre aujourd'hui d'hyperspécialisation. On se décrit comme historien d'une certaine période, d'un certain questionnement. On peut être historien du politique, dentelle. Bon, moi, je pense que c'est le contraire de l'esprit des sciences sociales. Donc, si on peut demander à des historiens ou à des sociologues s'ils font des sciences sociales, et la réponse n'est pas évidente, parce que quand on dit qu'on n'est pas historien, sociologue ou anthropologue, mais quand on dit « je suis un enquêteur en sciences sociales », je pense que ça fait basculer dans un régime de post-disciplinarité, que pour ma part, j'appelle de mes voeux. Donc la post-disciplinarité, ça ne veut pas dire jeter aux orties toute règle, faire n'importe quoi. Ça veut dire simplement que ne pas être prisonnier d'une chapelle disciplinaire. Et rappeler que nous sommes des enquêteurs, c'est une manière de dire qu'on emprunte à diverses formes de raisonnement. On voyage, on cherche aussi à collecter certaines sources dans le passé, on rencontre des gens, tout ça c'est une forme d'enquête. Et en tant qu'historien, ça ne me gêne pas de dire que je voyage, je rencontre des gens, même pour des époques relativement éloignées. Et ça, encore une fois, c'est pas propre à une discipline. N'importe quel enquêteur voyagera, payera de sa personne, rencontrera des gens, fera ce que j'appelle une fouille, c'est-à-dire recherchera des formes d'archives, qu'elles soient sous la terre, sur la terre, dans la mer ou dans un dépôt d'archives. Tout ça, c'est des démarches qui nous font basculer dans cette post-disciplinarité. Mais en quoi c'est scandaleux vis-à-vis de d'autres, de ce que vous dites, vis-à-vis de d'autres visions de l'histoire? En quoi ça vient se heurter à d'autres visions de l'histoire, d'une certaine façon? Mais c'est pas du tout scandaleux. Enfin, j'ai pas l'impression de dire des choses scandaleuses. Mais en tout cas, si vous vous plongez dans l'histoire telle qu'elle s'envisageait, en tous les cas, dans les années entre 1870 et 1970, ce propos-là est un propos hérétique, d'une certaine façon, Yvan Jablanca, même si vous dites bien que Fernand Braudel et l'École des Annales, ou Georges Duby, en lançant le programme de l'École des Annales pour Fernand Braudel, ou en le relançant après la Seconde Guerre mondiale ou dans les années 60, ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir qu'il faisait aussi de la littérature. Je pense que pour comprendre ces attitudes et ces crispations, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, il y a des choses très importantes qui se sont passées d'un point de vue intellectuel. Il y a des disciplines qui ont été fondées d'un point de vue professionnel, d'un point de vue institutionnel. Et qui ont dû donc se démarquer des disciplines voisines. c'est vrai que l'histoire puis la sociologie se sont démarquées de manière un petit peu théâtralisée sans doute en disant attention, nous sommes des scientifiques, nous ne sommes pas des littérateurs, avec tout ce que ce mot peut charrier de mépris. Et d'une certaine manière, ça a été positif. Nous sommes tous les enfants de cette révolution méthodique qui a consisté à créer des disciplines. Donc en ce sens, je ne reviens pas là-dessus. Mais il ne faut pas se cacher que cette révolution disciplinaire, méthodique, a eu un coût. Et le coût, c'est l'oubli, le déni de la littérarité de nos textes. C'est-à-dire ? À partir du 19e siècle, c'est ce que j'appelle l'invention du non-texte. C'est l'idée que la non-écriture. Pour être objectif, il faudrait étouffer le moi, le je, toute forme d'écriture. Et ça, je pense que ça a été un des coûts de la révolution méthodique. Mais c'est quoi votre outing ? Parce que vous dites à un moment, l'important, c'est de ne plus avoir honte. Vous aviez honte de quoi, ou vos prédécesseurs avaient honte de quoi, selon vous, Yvan Jablonka, en faisant de l'histoire, justement, méthodique, telle qu'elle était définie selon les canons de la fin du 19e siècle? Disons que dès lors qu'on commence à dire, non seulement j'écris, mais j'essaye de faire un travail littéraire, il y a un soupçon de fatuité, de faconde, de fiction et de déréliction de l'histoire. Moi, je pense qu'au contraire, l'écriture et cette littérarité peuvent être une manière d'approfondir notre méthode. Donc, je dis pas que l'écriture, c'est mon hobby et c'est le délassement. Ah, quand même, on sent un peu qu'il y a ça. Il y a cette idée, en tout cas, de passer au-delà. D'aller au-delà de cette frontière, de ce que vous appeliez, quand vous dites la cause est entendue à l'époque, donc au 19e siècle, cette cause, c'est plus l'histoire est littéraire, moins elle est scientifique et vice-versa. Ça, c'est le modèle de la fin du 19e siècle qui est encore qui est valide, hein, d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'il me semble que c'est des choses qu'il faut. Il y a une espèce de honte et d'auto-censure disciplinaire qui me paraît important de dépasser. On peut écrire, on peut même faire un travail littéraire sans cesser une seule seconde d'obéir aux règles de notre méthode. On peut même dire que l'histoire, c'est une littérature sous contrainte. Alors, quelle contrainte au sens... Tout compte fait, pas bien différent de la littérature de Georges Perec ou de Raymond Queneau quand il s'impose des contraintes. C'est vrai, à ceci près que l'Oulipo, il y avait quelque chose d'un petit peu ludique. Alors, on peut s'amuser en faisant de l'histoire, mais il y a quand même des règles qui sont relativement sérieuses, si je puis dire, et qui permettent de s'engager dans une scientificité. Mais ce sont des formes de règles et on peut définir l'histoire comme une littérature qui obéit aux règles de la méthode, qui obéit aux règles que elle-même librement s'est fixées. Anaïs Quin vous écoute et veut vous poser une question. Et on peut peut-être espérer aussi, par ce retour à une littérature d'histoire, le retour d'un public pour les livres d'histoire, un public peut-être plus intéressé, plus vers lequel on tendrait une main peut-être plus accueillante que ça a été ces dernières décennies. J'ai ressenti le besoin d'écrire ce livre pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai voulu comprendre d'un point de vue méthodologique ce que j'avais fait dans mon livre précédent, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait d'un point de vue épistémologique et aussi littéraire. C'était une enquête, effectivement, qu'il faut peut-être rappeler à nos auditeurs. Vous recherchiez justement la trace dans toutes les archives, mais également en vous rendant sur les lieux, en Pologne en particulier, de vos deux grands-parents que vous n'avez pas eu puisqu'ils sont morts en camp d'extermination. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, vous avez raison de me le faire dire, c'est j'ai le sentiment qu'on traverse une crise. Alors, je parle des sciences humaines et sociales. Et cette crise, elle est multiforme. C'est une crise de l'édition en sciences humaines. C'est une crise de la librairie. C'est une crise de l'université dans les départements de sciences humaines et sociales. Et cette crise multiforme nous oblige, je crois, à repenser les objets intellectuels que nous produisons et l'offre d'enseignement que nous prodiguons à nos étudiants. Cette crise de l'édition, elle se voit par exemple dans le fait que les gens achètent de moins en moins de l'histoire, de la sociologie. Elle se voit aussi dans une espèce d'épuisement de certaines formes éditoriales. Et puis, on le voit aussi à l'université parce qu'il y a certaines formations qui sont véritablement désertées par les étudiants. Et d'une certaine manière, c'est une crise multiforme, mais qui n'est qui n'est qu'une seule et même crise. Je veux dire par là que de l'amphi de première année à la librairie de quartier, on est tous dans le même bateau. On a tous les mêmes... On doit faire face aux mêmes problèmes, aux mêmes défis, aux mêmes enjeux. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai essayé de proposer des formes nouvelles pour... conquérir et sans doute reconquérir de nouveaux publics. Donc ça peut passer, je crois, par une histoire littéraire, mais au sens non pas littéraire comme on se pare de plumes pour faire la grande roue, c'est simplement une forme qui s'assume en tant qu'elle est enquête, raisonnement, voyage et donc littérature. On peut rêver de sciences sociales qui à la fois émeuvent et captive. Mmh. Et ça, je Mais crois il y en a ça... eu, il y en a eu des exemples. Bien sûr, bien le sûr. Le fromage et les vers de Carlo Ginzburg, Georges Duby, Guillaume le Maréchal, ou tout un tas d'autres. Des ouvrages qui datent un peu. Oui, non, mais ces ouvrages nous ont émus en même temps qu'ils nous apprenaient, ils nous donnaient de la connaissance en même temps. Bien Alors sûr. Peut-être qu'il y a eu des interruptions, et peut-être aujourd'hui c'est moins le cas, mais ça a existé. Disons que je suis pas en train de dire que je suis un pionnier qui fait ça tout seul dans mon coin. C'est même le contraire. On a bien compris. C'est oui. même le contraire. Un manifeste, ça se fait pas seul. Il y a toute une tradition qui remonte à Hérodote, bien sûr. C'est toute une tradition qui montre qu'on peut produire de la connaissance tout en captivant un public et tout en créant une émotion. Mais ce n'est pas une émotion qui donne la chair de poule et qui dit Napoléon fronça les sourcils, il était furieux. Ce n'est pas ça, ce genre d'émotion. C'est plutôt une émotion qui est liée à une forme nouvelle, une écriture nouvelle. Et cette littérarité, ça peut passer par un travail sur la langue, une construction narrative, une certaine atmosphère, le jeu de différentes voies narratives, le fait qu'une enquête en sciences sociales se mène entre le présent et différentes strates de passé. Ça se fait aussi par l'usage du jeu, enfin d'un jeu de méthode, qui est un outil de sciences sociales. Bref, là, j'ai fait un petit peu un inventaire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut renouveler et poursuivre des traditions qui permettent de faire des sciences sociales autrement. Et qui se lisent facilement, plus facilement peut-être que d'autres ouvrages en tous les cas. Ce que vous dites aussi, c'est pour procéder à cela, il faut admettre quelque chose qui n'est pas facilement admissible pour les personnes qui pratiquent les sciences sociales, c'est que la fiction a une potentialité de connaissance et pas simplement une fonction de miroir d'une société. C'est-à-dire que grâce à la fiction, on peut dire des choses que peut-être on n'arrive pas à dire autrement par les moyens classiques des sciences sociales. Et donc ça, évidemment, c'est vous passez le pas. C'est-à-dire que c'est toute la question de est-ce que la fiction, les romans nous apprennent, les romans ou d'autres types de littérature nous apprennent autant, voire plus qu'un historien sur une période. Il faut être précis cependant quand on parle de fiction. C'est que l'histoire et les sciences sociales ne seront jamais fiction au sens où on ne dit pas, on n'invente pas des personnages. C'est un roman vrai, comme dit Paul Venn. Le plus important dans ce terme, c'est vrai. Un chercheur cherche à dire du vrai. Ensuite, avec un certain nombre de formes, et ces formes peuvent être très diverses. Ça peut prendre la forme d'un livre, d'un article, mais aussi d'une vidéo, d'un film, d'une bande dessinée, du théâtre et peut-être un jour d'un opéra. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, c'est le raisonnement historique qui nous guide vers l'énonciation du vrai, enfin de choses qui sont vraies. Bon, c'est ça le plus important dans une enquête en sciences sociales. Maintenant, vous avez raison de dire que dans cette recherche, on peut avoir recours à des fictions, au pluriel, qui sont des fictions contrôlées, qui ne sont pas des fictions naïves qu'on invente comme ça, qui sont des fictions tout à fait contrôlées et conscientes d'elles-mêmes. Par exemple, le fait de formuler un certain nombre d'hypothèses, c'est à l'évidence une forme de fiction. Il y a des anachronismes contrôlés que tous les historiens utilisent en le sachant ou non. Il y a des concepts qui sont des fictions. Quand Rawls parle du voile d'ignorance ou quand Kelsen parle de la Grundnorm, tout ça, ce sont des fictions de méthode. C'est-à-dire des fictions contrôlées qui permettent de... Et quand Michelet invente le peuple, quand Bien Michelet sûr. Invente la France... La sorcière, quand Michelet invente la sorcière, 300 ans d'histoire en une femme, qu'est-ce que ça veut dire ouais. Et pourtant, c'est à la fois du vrai et une fiction, des fictions. Et il me semble que ces fictions sont des outils non seulement souhaitables, mais même absolument nécessaires pour faire une enquête en sciences sociales. C'est que sans ces fictions de méthode, on n'a plus qu'une espèce de récit factuel qui nous fait basculer dans la dépêche ou le bulletin météo. Et ça, ce n'est pas de l'histoire. À vous lire, Yvan Jablonka, dans « L'histoire est une littérature contemporaine », au Seuil, manifeste pour les sciences sociales, on se dit qu'on a perdu un peu de temps. Parce que dans les années 70, on y était, d'une certaine façon. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé le « linguistic turn », donc un moment très fort d'une théorie venant des États-Unis, qui a été forgée, entre autres, par Aidan White et sa méta-history en 73, qui a braqué, d'une certaine façon, c'est du moins comme ça que vous le décrivez, qui a braqué les historiens de l'époque, puisque il y a eu énormément de critiques en disant « non, ça n'est pas que narration, l'histoire n'est pas que narration, comme le tente de le raconter Aidan White, n'est pas une fiction. Et donc, beaucoup d'historiens se sont braqués contre cette théorie en disant il faut absolument remonter les barrières entre littérature et histoire. Et pendant donc 30 ou 40 ans, dites-vous, eh bien, on n'a pas pu repartir sur ce chemin-là. C'est ce que vous expliquez, Yvan Jablonka. On peut se demander pourquoi les chercheurs en sciences sociales ne veulent plus faire de la littérature. Alors, cette formulation pourrait paraître une provocation, mais je crois que si on regarde 2500 ans d'historiographie depuis Hérodote, on voit que c'est une question assez naturelle. Pendant presque 2000 ans, l'histoire et d'autres formes de connaissance du réel ont été des formes littéraires. Et puis depuis 120 ans, 130 ans, ce n'est plus le cas. La question, c'est pourquoi ? Alors, il y a une forme d'autocensure, certainement, de la part des chercheurs. Il y a des aspects de carrière qui, parfois, jouent leur rôle. Et puis, il y a une espèce de honte, sans doute. Et puis, un certain nombre d'outils théoriques, peut-être, qui manquent. Parce qu'une fois qu'on a ces outils théoriques, on s'aperçoit qu'on peut parfaitement concilier création littéraire et sciences sociales. Et mon livre, d'une certaine manière, vient montrer que c'est possible. Je ne dis pas c'est obligatoire, c'est supérieur, c'est nécessaire. Je dis c'est possible. Et qu'il ne faut pas s'en empêcher si on en a envie et les possibilités de le faire. Et le fait que le chercheur soit placé devant une possibilité d'écriture est quelque chose de très important parce que ça laisse la liberté à tout le monde. Et après tout, heureusement qu'il y a des formes différentes. Mais d'un point de vue méthodologique, épistémologique, c'est possible. Et je crois que c'est très important parce que j'espère que les générations à venir, au XXIe siècle, s'empareront de cette liberté et de cette possibilité. Mais vous avez cité le linguistic turn, et c'est vrai que le linguistic turn et l'œuvre d'Eden White en particulier ont eu un rôle important, mais ça a représenté un terrible gâchis. Parce que au moment même où Eden White commençait à penser la littérarité de l'histoire, il a franchi le pas, ce qui me paraît être la ligne rouge, en disant l'histoire est littéraire, donc elle est fiction. Mais il y a une erreur manifeste de raisonnement. On peut être littérature sans être fiction. Et la manière dont Eden White a franchi le pas de manière, à mon avis, erronée, c'est dû au fait qu'il ne faisait pas la différence entre littérature et fiction. Mais il n'y a pas que le roman dans la vie. Il y a tout ce que j'appelle les écrits du réel, les grands reportages, les témoignages, les biographies, les autobiographies, les enquêtes, bref, tous ces écrits du réel qui sont des enquêtes au même titre que l'histoire et les autres sciences sociales. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, en écrivant par exemple que l'histoire est absolue liberté d'un moi dans les limites absolues que lui fixe la documentation, on peut tout dire, tout imaginer tant que l'enquête ne vient pas nous contredire, que vous faites là aussi, vous lancez un peu un pavé dans la vitrine d'une certaine façon en disant cela, parce que vous allez quand même très loin justement dans cette idée que tant que la documentation ne nous interdit rien, l'historien peut aller le plus loin possible dans cette liberté du moi, dites-vous Yvan Jablonka. Mais je pense que ce qui nous guide quand on fait de la recherche en sciences sociales, c'est une passion, un lien vital et viscéral avec le passé. En revanche, il ne faut pas laisser ce « moi » déborder notre imaginaire, notre sensibilité, etc. Donc oui, l'archive, l'enquête est là pour restreindre drastiquement tout ce qu'on peut imaginer, souhaiter et vouloir. Mais Popper ne dit pas autre chose. Karl Popper dit que le raisonnement scientifique, c'est faire des hypothèses et ensuite les détruire les unes après les autres avec des expériences. Et notre expérience à nous, chercheurs en sciences sociales, ce sont les archives, l'enquête, etc. Donc oui, ça ne me dérange pas de formuler un certain nombre d'hypothèses et ensuite de les détruire sans pitié dès lors que l'archive et l'ensemble de nos connaissances disent le contraire. Merci Yvan Jablanca d'être venu nous présenter votre livre « L'histoire est une littérature contemporaine », un manifeste, on l'a bien compris, manifeste pour les sciences sociales, paru dans la collection « La librairie du 21e siècle au Seuil ». Je pense qu'on continuera à en parler un certain temps de ce livre. J'imagine que vous allez avoir des débats. Vous avez déjà eu un débat dans Le Monde la semaine dernière, Le Monde des livres, avec quelqu'un qui était relativement proche de vos positions. Au bout du compte, vous étiez assez d'accord, c'est-à-dire Paul Venn. Oui, j'ai eu la chance de dialoguer avec Paul Venn. Mais Paul Venn, lui, parlait justement d'un roman vrai pour caractériser l'histoire. Moi, alors vous, c'est le terme roman qui vous va pas. Disons que le terme de roman, d'abord, flirte un peu avec la fiction. Et ensuite, le terme de roman, ça appartient au 19e siècle. Linéarité, réalisme, etc. Moi, il me semble que notre défi à nous, les générations qui arrivent... C'est le 21e siècle. Mais c'est de créer de nouvelles formes, pas le vieux roman. Mais l'enquête, des autobiographies parcours, des reportages socio-historiques, etc., etc., des formes nouvelles. Anaïs Kien. D'ailleurs, je crois que vous aurez une discussion avec Jean Hatzfeld samedi à Blois, pendant les rendez-vous de l'histoire. Justement, Jean Hatzfeld qui travaille de manière littéraire la question du témoignage, et notamment la question du témoignage dans le cadre du génocide rwandais. Oui, je suis très heureux de pouvoir dialoguer avec Jean Hatzfeld. J'admire beaucoup sa trilogie rwandaise. Jean Hatzfeld, c'est à la fois un journaliste, un écrivain et à sa manière un chercheur. C'est un des premiers à s'être penché sur cet événement majeur qu'est le génocide des Tutsis. Et en ce sens, lui, il pratique justement cette enquête multiforme, 100% littérature, 100% sciences sociales, 100% grand reportage. Rendez-vous à Blois donc pour vous écouter, Yvan Jablanca. Merci encore. Au début du XVIe siècle, le flâneur qui se promène sur les quais au nord de Venise peut voir les fumées s'échapper des tours à verre de Murano et, lorsque le vent porte, deviner la cloche de Santo Stefano appelée les verriers à la messe. Une vingtaine de minutes de gondole lui suffisent pour traverser le bras de lagune qui sépare les deux îles et rejoindre le sud de Murano, la Fundamenta et le Rio dei Vetrai. Pour les habitants, c'est le Rio, et l'expression in Rio y fait implicitement référence. La Bora et le Greco s'y engouffrent facilement, les vents froids venus des Alpes qui évacuent les fumées des fours et garantissent à Murano un air pur. Bonjour, Claire Jules de la Rivière, c'est ainsi que s'ouvre le premier chapitre de votre dernier livre, La révolte des boules de neige, Murano face à Venise en 1511. Vous avez fait une tentative littéraire, d'une certaine façon. Vous écoutiez Yvan Jablanca. C'est une écriture particulière, puisque vous nous faites revivre non seulement une révolte, cette révolte que vous avez appelée la révolte des boules de neige, contre le podestat envoyé par Venise en remplacement d'un autre podestat. Donc, et également, c'est l'histoire du petit peuple de Murano. Comment peut-on le faire découvrir? Comment peut-on savoir quelles étaient ses aspirations au tout début du XVIe siècle, Claire Jude de la Rivière? Oui, bonjour. En effet, une tentative d'écriture, j'ai essayé justement à travers ce livre de rendre compte de l'existence de tous ces verriers, pêcheurs, paysans, domestiques qui habitaient à Murano. Et j'ai cherché une forme d'écriture qui me permettait justement de rentrer dans leur expérience, d'essayer de rendre compte de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils pensaient, de ce à quoi ils aspiraient, en cherchant une narration, en cherchant une façon de présenter les sources, de les raconter, qui nous permettait, au fur et à mesure de la lecture du livre, justement, de ressentir cette réalité mouranaise du début du XVIe siècle. Ressentir, c'est important. On sent tout au long de votre livre, j'allais dire de votre roman, qui n'en est pas un, de votre livre, en l'occurrence, Claire Jude de la Rivière, on sent que vous avez une attention portée aux températures, au vent, à la bise, au froid, à l'humidité, par exemple, de Murano, ou à la chaleur, en expliquant qu'on arrête les fours de verrier de Murano pendant l'été, tant il fait chaud et qu'on ne peut pas vivre dans ces fours en plein été, Claire Jude de la Rivière. Alors, je pense que c'est aussi lié justement à l'expérience de chercheuse à Venise, aux archives de Venise, puisque Venise est évidemment une ville où il est très agréable de faire des recherches. Et où on est en permanence confronté effectivement à cette réalité de l'humidité, de l'aqua alta, du brouillard ou au contraire des chaleurs étouffantes de l'été. Et en cherchant dans les archives, puis en allant à Murano, effectivement, je ressentais en permanence cela et je voulais le transmettre parce que justement, dans cette tentative de reconstituer la vie du petit peuple, j'ai essayé aussi de comprendre ce qu'était cette expérience du petit peuple. Et pour cela, d'essayer d'en reconstituer les différentes formes et justement les différentes réalités. Et je crois que cette réalité sensible est très importante justement pour pouvoir pénétrer ce monde-là. Alors on y décrit les trajets que l'on fait avec le Barcaroli, donc entre les traghetti, comme on dit, entre Venise et Murano, espèce de métro permanent qui permet à Murano d'être relié à la capitale de ce petit empire qui est l'empire vénitien au début du XVIe siècle. On y décrit aussi la vie quotidienne, vous êtes très attentive à cette vie quotidienne de ces petits artisans. On y décrit les tensions sociales entre le nord de l'île de Murano, qui est occupé par des pêcheurs plus pauvres que les pauvres et paysans aux alentours, et puis le sud, qui est occupé par ces verriers qui ont un savoir-faire suffisant pour pouvoir être connus dans l'Europe entière à ce moment-là. Et donc ces tensions sociales qui sont à l'œuvre, mais aussi les tensions sociales qui viennent de l'imposition dans cette petite île de Murano, de palais, de nobles vénitiens venant s'installer pour pouvoir profiter de la fraîcheur des jardins et s'éloigner d'une ville qui n'en a plus de jardins, Claire Jude de la Rivière. Ce qui m'intéressait en effet, c'était de comprendre les relations sociales au sein de cette société mouranaise. Alors plus largement, mes recherches portent sur Venise. J'ai eu l'occasion ici de m'arrêter à Murano pendant quelques années de recherche. Mais ces relations sociales apparaissent très bien dans les archives mouranaises parce qu'effectivement, on voit bien les tensions entre les patriciens vénitiens, les riches nobles vénitiens qui viennent à Murano, mais aussi justement tous ces habitants de Murano qui constituent le peuple. Mais ce que j'essayais de comprendre, c'est qu'est-ce que ça signifiait, le peuple. Et en effet, de mettre au jour ces hiérarchies, ces distinctions qu'on voit très bien dans les archives. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que elles apparaissent dans des discussions, dans des disputes, dans des conflits entre effectivement des pêcheurs et des verriers qui ne sont pas d'accord sur l'occupation de l'espace, par exemple. Donc ces tensions-là, je pense, nous permettent justement de voir ce qu'est le peuple au-delà d'une simple catégorie généralisante, mais bien dans l'action de la vie quotidienne. Anaïs Kien. Oui, ce qui est passionnant dans votre ouvrage, Claire Jude de la Rivière, c'est que vous, et d'ailleurs on retrouve ça chez vous aussi, Yvan Jablonka, c'est que vous n'hésitez pas à nommer les enjeux, à remettre de l'enjeu à un endroit littéraire où finalement on a la sensation que les historiens souvent ont honte de dire voilà ce qui m'intéresse moi. Mmh. Et là vous dites très clairement que vous avez besoin, pour continuer votre métier d'historien, de repolitiser cette histoire sociale et d'aller voir les enjeux de ce peuple, cette entité un peu floue qu'on nous propose très souvent et sur l'identité de laquelle on s'interroge en permanence. C'était mon projet, c'est mon projet, c'est de comprendre ce qu'est le peuple. Et en effet, la première démarche est celle de l'histoire sociale, qui consiste à envisager des groupes sociaux, des niveaux de vie, des niveaux économiques. Mais je pense que pour prendre en compte ce qu'était vraiment le peuple, il faut justement le repolitiser, il faut repolitiser l'histoire sociale, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que ces groupes sociaux font à la cité, font aux politiques. Comment ces groupes sociaux construisent le politique ? Alors qu'on a l'habitude de les penser agis par les classes supérieures, mais n'agissant pas eux-mêmes d'une certaine façon. Inerte, finalement. Ouais. Oui, dans la façon dont on présente la politique vénitienne, il y a les patriciens qui dominent les institutions et le peuple qui reçoit les ordres. Et donc ce que j'ai essayé de comprendre à travers une micro-histoire, parce que je me suis vraiment intéressée à une petite île pendant 2 ou 3 ans, c'est d'essayer de mettre au jour toutes ces formes d'action politique, de la plus infime à la plus importante, de montrer comment ces bateliers du traghetto servent le pouvoir, parce que c'est à eux d'informer les gens qu'ils amènent à Murano d'un certain nombre de lois. Des nouvelles lois. Voilà. Peut-on porter des armes à Murano en 1511 ? Non, dit le podestat. Et c'est aux bateliers qui emmènent les visiteurs à Murano de les informer qu'ils n'auront pas le droit de porter des armes ce jour-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous choisissez non pas l'affaire des boulangers allemands, on ne va pas la développer ici, vous ne choisissez pas l'affaire des soldats vicentins, qui sont des affaires qui sont concomitantes, pourrait-on dire, ou contemporaines à cette histoire donc, que vous racontez, mais une affaire de révolte de boules de neige. Ce que vous appelez vous-même un petit événement, et c'est peut-être parce qu'il est très petit qu'au bout du compte, vous pouvez en tirer ainsi, et grâce aux archives du procès qui s'ensuit, tous les fils, c'est-à-dire que c'est donc le podestat, celui qui vient remplacer le podestat, celui qui est donc nommé par Venise pour pouvoir diriger cette petite île de Murano pendant environ 18 mois. Eh bien, au moment où arrive le nouveau podestat, l'ancien s'en va et il s'en va sous les colibés, sous les ourvari et sous les boules de neige, donc, puisqu'il a, il a neigé juste à ce moment-là, Claire-Jules de la Rivière. On est en 1511. Oui, on est à la fin du mois de janvier 1511, un hiver très rigoureux en Italie, les sources le disent, il neige régulièrement depuis 2 mois. Et en effet, le pauvre Vitale Vituri doit quitter l'île sous les colibés, les boules de neige. C'est quand même très joli. Et les boules de neige. Alors, c'est vrai qu'on n'imagine pas ça. D'habitude, quand on parle de révolte, on parle de massacre, d'égorgement. Ça peut être le village des cannibales d'Alain Corbin, ou ça peut être, vous l'évoquez, une révolte qui a lieu 1 mois plus tard à Udine, qui s'appelle le cruel jeudi gras, oui. Là où il y a des massacres. Mais là, non, il n'y a pas de massacre, il y a juste des colibés et des boules de neige. Il n'y a pas de massacre, mais tout de suite, j'ai été intéressée quand j'ai trouvé ce procès dans les archives, parce qu'à Venise, il n'y a jamais de révolte. Venise est connue pour avoir été un lieu où, durant l'histoire millénaire de la République, il n'y a pas eu de révolte. On l'appelle la sérénissime, la très sereine. Donc pour moi, ce procès m'a évidemment tout de suite intéressée. Je me suis dit, tiens, finalement, j'ai trouvé une révolte. Et depuis, on a monté un groupe de travail avec des chercheurs, en particulier une collègue d'Amsterdam, et on essaie justement de trouver ces révoltes. Et on finit par les trouver. En fait, il y a eu des révoltes populaires à Venise. Mais il n'y a pas de discours sur ces révoltes. Exactement. Ce qui les fait disparaître, finalement. C'est ce que vous dites. En tout cas, ce que je propose, une des analyses que je propose dans ce livre, c'est que je crois que la force aussi du pouvoir vénitien, c'est justement de ne pas nommer, elle ne nomme jamais ni tumulte, ni révolte, mais au contraire de banaliser le geste, de banaliser ce geste politique et d'en faire au contraire un geste de carnaval, de charivari. Alors, on était la semaine dernière dans une semaine de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire du climat, et vous convoquez aussi le climat dans un contexte comme celui-ci, parce que vous vous posez une question qui est une question « et si ?», donc de « what if history », d'histoire contrefactuelle. Vous dites, le chaos aurait-il été le même s'il n'y avait pas eu de neige cette année-là ? C'est-à-dire se poser la question des conditions climatiques. Est-ce que les conditions climatiques ont été un des enjeux, justement, de cette révolte des boules de neige contre le podestat qui s'en va sous les ourvari ? Claire-Jules de la Rivière. Ce que je trouve intéressant dans la neige, c'est qu'on peut se poser la question, en effet. C'est peut-être la neige qui va permettre le geste. Et c'est aussi une des préoccupations des historiens aujourd'hui de comprendre ce que l'objet fait à l'action. Mmh. Comment on est aussi agi par les objets qu'on utilise. Et je pensais, ça n'est pas la même chose que de lancer un poignard ou que de lancer une boule de neige. Voilà, il n'y a pas de violence. Mais si vous pensez à ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle la révolution des parapluies aujourd'hui à Hong Kong, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas besoin du parapluie pour exprimer une contestation politique. Mais le parapluie devient non seulement un symbole, mais aussi un un enjeu, devient le geste qui permet d'exprimer. Donc je pense que la neige joue justement ce rôle de déclencheur et aussi facilite d'une certaine façon l'expression d'une critique. Alors ce qu'on découvre grâce à vous, c'est l'immense brassage de cette île de Murano, mais également de Venise, au tout début du XVIe siècle. Ces noms de familles qui viennent d'un peu partout, non seulement d'un peu partout en Italie, mais d'un peu partout en Europe. Il y a des Sarrasins qui s'invitent comme patrons ou comme ouvriers dans les fours à verre de Murano. Mais on y découvre aussi comment le bouleversement, par exemple, de quelque chose qui s'est passé à l'autre bout de la Méditerranée, 1492, la fuite des l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique a pu avoir des conséquences et sur Venise et sur l'équilibre social de Venise, puisque certains demandent à se réfugier. On va même penser à un moment les installer, avant de les installer dans le ghetto quelques années plus tard, les installer à Murano, Claire-Jude de la Rivière. Oui, il y a un débat au début du XVIe siècle. Donc beaucoup de Juifs arrivent de la péninsule ibérique à Venise, s'installent à Venise. Et puis il y a depuis longtemps à Venise et en Vénétie une communauté importante. Et au début du XVIe siècle, les Vénitiens, les patriciens cherchent à enfermer cette communauté. Et donc des débats ont lieu. Et effectivement, Murano est proposé comme un des lieux possibles pour la construction de ce quartier juif. Et en réalité, c'est effectivement le ghetto. C'est-à-dire, en vénitien, ça veut dire la fonderie. C'était le quartier de la fonderie qui sera choisi. Et donc ce nom même de ghetto vient de Venise au début des années 1510. Alors, on apprend énormément de choses dans votre livre « La révolte des boules de neige », Claire-Jude de la Rivière, surtout quand on n'est pas spécialiste de cette histoire vénitienne comme moi. On y apprend par exemple, mais ça, on l'a su chez d'autres spécialistes de l'Italie en particulier, mais de toute l'Europe de la fin du Moyen-Âge, l'importance de la fama, de la réputation, mais également l'importance de la voix publique, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait peut-être traduire comme opinion publique à ce moment-là. C'est-à-dire que dans ce procès qui va avoir lieu de ceux qui ont lancé ces boules de neige sur le podestat finissant, donc qui va fuir l'île de Murano sous les colibés, eh bien, dans ce procès, on va témoigner. Et qu'est-ce qui témoigne souvent ? Eh bien, c'est la bonne réputation, la mauvaise réputation. Et vous dites que c'est intéressant parce que ce sont des instances légitimes de savoir pour les populations de l'époque, au même titre qu'un savoir constitué qu'on aurait aujourd'hui pour témoigner au procès, un expert, etc. Mais là, c'est la réputation qui compte, Claire-Jude de la Rivière. Alors, j'ai suivi une réflexion qui a été menée de longue date par les médiévistes français, en particulier Claude Govard, sur cette question de la réputation. Et j'ai essayé de poursuivre l'enquête et de comprendre justement ce que cette réputation pouvait faire aux institutions. En travaillant sur la façon dont les gens produisent un discours de réputation, mais aussi de ce qu'ils savent des autres. Et comment ce savoir, ce que j'appelle un savoir social, va finalement être intégré par les institutions. Ce qui m'intéresse, c'est que la justice ne remet pas forcément en cause ces réputations qui peuvent être ce qu'on appellerait aujourd'hui des rumeurs, par exemple. Non, je pense que pour la justice, c'est au contraire une vraie source d'information. Et je pense que c'est là où la source judiciaire est passionnante, c'est que la justice, même si c'est une instance de domination, même si les juges patriciens dominent le peuple, même si la justice ne peut pas ignorer complètement ce que les gens disent. Mmh. Si elle convoque des témoins, elle doit les écouter, elle enregistre leurs témoignages. Et donc, le cinquième témoin qui dira « ils n'ont pas jeté les boules de neige par méchanceté, mais ils l'ont fait par ignorance, ou ils l'ont fait pour s'amuser, ou ils l'ont fait pour faire la fête », la justice est obligée d'en tenir compte. Mmh. Ou le cinquième témoin qui viendra dire « je connais un tel, c'est une personne qui a une solide réputation », on peut lui, et une personne qui a une honorabilité, on la respecte à Murano, la justice est obligée d'en tenir compte. Donc ce qui m'intéresse aussi, comment la réputation s'impose aux institutions. Et ça, je pense que c'est une forme d'action politique, d'une certaine façon. Alors, il y a ça, puis il y a aussi le contexte international. J'ai parlé de 1492, de l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique, mais il y a aussi les guerres d'Italie et une Venise qui est un peu sur les dents parce qu'elle se fait rogner son territoire par ces guerres d'Italie qui se déroulent, rappelons-le, dans le nord-ouest, dans le nord de la péninsule, en tous les cas, donc tout près du territoire vénitien. Et cela, évidemment, ça joue sur les réactions potentielles à une simple petite révolte de boules de neige. On ne peut pas laisser passer quelque chose comme ça, Claire-Jude de la Rivière. Il est évident qu'il y a des tensions dans la lagune, des tensions vives, et que les habitants de Murano se retrouvent en première ligne. Si on regarde une carte de la lagune, Murano est au nord de Venise, et effectivement très proche de la terre ferme où ont lieu les opérations. militaire. Et dans les années de 1509 à 1512, Venise est véritablement menacée par les troupes étrangères. Et plusieurs témoignages très impressionnants racontent comment depuis Venise, on voit, depuis les campaniles, on voit les incendies en terre ferme, on voit les troupes s'approcher. Donc à Murano, cette tension se ressent. Les bateliers, justement, sont obligés d'aller servir à bord de leurs embarcations, soit de transport, soit de pêche, en terre ferme. Et puis, effectivement, j'ai trouvé plusieurs cas dans les archives qui montrent comment, en particulier, ces boulangers allemands dont vous parliez, deux boulangers allemands installés dans la lagune depuis plus de 20 ans, se retrouvent accusés d'être, justement, des espions. Des espions soldes de l'empereur. La cinquième colonne, quoi, d'une certaine et, façon. Et donc, je poursuis cette histoire dans le livre. On sent que vous avez été surprise vous-même par vos sources. C'est-à-dire qu'au bout du compte, que vous avez déployé une richesse documentaire qui n'était pas celle que vous attendiez au départ de votre recherche Claire Jude de la Rivière. On sent que vous avez été amusé de découvrir que le parler des pêcheurs du nord de l'île, c'était le Nicolotto qui était un parler ancien, considéré comme un parler ancien, qui n'était pas parlé par tout le monde sur l'île de Murano. On sent que vous avez été surprise et émue de voir qu'il y avait peu de chevaux sur cette île, que c'était... Il n'y avait donc pas de culture équestre à Murano, contrairement au reste de la société italienne de l'époque. Enfin, que vous avez été à chaque fois un peu bousculé par votre recherche, Claire Jude de la Rivière. Je partais du principe que finalement, on ne peut rien dire sur le peuple. Il y a peu de choses et je pensais que finalement, j'allais me retrouver contrainte de repartir sur des grandes catégories généralistes ou généralisantes sur le peuple. Et en réalité, en m'intéressant à un espace vraiment très restreint, j'ai trouvé une multitude de sources, une multitude d'informations. Et contrairement effectivement à ce que je pensais, on peut écrire l'histoire du peuple et on peut écrire des tas de choses, y compris en identifiant des individus, en les suivant, en essayant de reconstituer leur biographie. Donc à Venise, sans doute Venise est un peu particulier en ce sens, les archives sont extrêmement riches. Et en effet, j'ai été surprise et j'ai aussi eu énormément de plaisir. Et c'est ce que j'ai essayé de... Ça se sent quand on lit. Et ça se sent, c'est très important d'ailleurs dans ce livre, parce que ça nous permet aussi de vous suivre, cette plaisir de la découverte, cette plaisir de faire votre métier d'historienne, nous plonge du coup dans cette littérature avec un enthousiasme qui n'est pas si fréquent que ça. Ça veut dire donc qu'il faut se faire confiance pour reprendre des catégories qui pourraient être celles développées par Yvan Jablonka. Il faut avoir confiance quand on est historien dans sa capacité à interpréter le monde du passé et donc ne pas se donner trop de barrières d'une certaine façon, Claire Jude de la Rivière. Je pense que les sources, effectivement, en combinant des sources et un questionnement, je crois que l'historien ne peut que avancer et produire de nouveaux savoirs. Donc, se faire confiance et faire confiance aussi au tout le matériau qu'on a. Dans mon cas, ce sont des archives écrites, mais il y a effectivement des tas d'autres archives possibles. Et je crois qu'en effet, on a vraiment de quoi nourrir les futurs ouvrages. Un tout petit mot, Yvan Jablonka, parce que vous prenez toujours des notes, vous avez pris plein de notes dans ce que disait Claire Jude de la Rivière, avant de passer à la toute dernière séquence et à la présentation de notre semaine à venir sur les rebelles, Yvan Jablonka. J'ai pris des notes parce que ce qu'elle disait me passionne. J'approuve aussi ce qu'elle dit sur le plaisir ou l'émotion qu'on peut ressentir quand on fait une recherche. C'est vrai que quand on a la chance de pouvoir faire de la recherche, eh bien, on ressent du plaisir et puis on ressent aussi, on est parfois bousculé parce qu'on voit, on mûrit. Un livre nous fait mûrir, une recherche nous fait grandir. Et voilà, je crois que c'est important de le dire. Merci Yvan Jablonka. Je rappelle que vous êtes auteur de L'Histoire est une littérature contemporaine au seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Et puis Claire Jude de la Rivière, il faut conseiller à nos auditeurs de vous lire La Révolte des boules de neige, Murano face à Venise en 1511. C'est dans l'excellente collection L'épreuve de l'histoire chez Fayard. Quand j'avais 17 ans, j'étais ce qu'on appelait dans le temps un chasseur de sons. J'enregistrais les petits oiseaux et j'enregistrais avec mon magnétophone le Grundy TK6. J'enregistrais tout ce que je trouve autour de moi. Et je faisais des petits programmes de radio qui... je les envoyais, mais ils n'étaient pas... émis, diffusés, voilà. Alors j'ai enregistré tout le happening. Alors là, je croyais, ça c'est ma chance. J'ai fait des interviews ici dans la rue avec les leaders du mouvement Provo. Et c'est devenu un très grand événement. Beaucoup de police, beaucoup de gens, des gens à l'hôpital. Le jour après, les journaux étaient pleins. Et j'ai téléphoné, bien sûr, la radio. Et j'ai dit, j'ai tout enregistré. Et là, pour une fois, mes enregistrements étaient diffusés, en effet. Voilà, c'est un extrait du documentaire de demain, Anaïs Quin, qui va être diffusé, donc, que vous avez réalisé avec Anne Fleury. On entend Bart van Henrikhuizen, c'est ça ? Eric Hoitson. Bon, voilà, c'est totalement c'était raté. C'était un piège. Voilà, c'était un piège et c'est réussi en tous les cas. Donc, c'est un documentaire sur les Provo. Alors, les Provo, expliquez à nos auditeurs en deux mots de ce dont il s'agit. Je vais vous expliquer, mais d'abord, je vais peut-être vous présenter Bart van Henrikhuizen, ouais. Parce que c'est à lui qu'on doit... beaucoup de matière de cette semaine qu'on va vous proposer à partir de demain, puisque, donc, comme le raconte Bart dans ce témoignage, qui n'est pas dans le documentaire, qui est une chute de nos rushs, il a enregistré les Provo, ce mouvement de jeunesse, ce mouvement de contestation de jeunesse. Des années 60. Qui a lieu entre 65 et 67, qui s'auto-dissout en 67 à Amsterdam. C'était vraiment un mouvement de jeunes citadins, un mouvement relativement démocratique où on trouve à la fois finalement assez peu d'étudiants. C'est pas un mouvement d'étudiants, c'est un mouvement de jeunes travailleurs, c'est un mouvement de lycéens même parfois, c'est un mouvement de travailleurs un peu moins jeunes mais qui engagés dans la Free Press notamment, le développement international de la Free Press qu'on attribue très souvent exclusivement aux États-Unis mais qui vient également d'Europe, ou en tout cas qui vont se marier dans un mélange qui donnera la Free Press qu'on connaîtra notamment en France sous les traits d'Actuel dans les années 70. Et Bart van Henrikhuizen est aussi celui qui nous a prêté cet archive qu'il a enregistré avec sa petite amie de l'époque, Danielle Bourgois, qui était une Française. Une archive où ces inédite, deux très donc. Jeunes gens, qui ont 19-20 ans à l'époque, ont enregistré Mouna Aghighi. Donc cette espèce de clochard céleste dont les gens se souviennent en général. Moi j'ai un souvenir quand on est parisien, un souvent. Peu vague qui traînait autour de Beaubourg, qui traînait jusque dans autour les années de 80. La fontaine Saint-Michel et qui proposait une vision du monde écologiste, anarchiste, libertaire dans une marge sociale parisienne, alors que cet homme venait du petit entrepreneuriat plutôt florissant français de l'époque. Oui, alors donc demain, un documentaire sur les Provo néerlandais, ce mouvement assez peu connu, malheureusement. Difficilement saisissable ouais, par un Français, voilà. D'ailleurs. Dans le documentaire donc, de demain, avec Anne Fleury. Après-demain, donc, on entendra Mouna Aghighi. Et jeudi, on réfléchira à ce que peut être un historien rebelle, puisque la matrice de l'histoire, on le sait, c'est plutôt l'éloge du prince ou l'éloge du roi. Et en l'occurrence, on essaiera de définir comment les historiens se sont sortis de cette gangue de défense de la parole publique du roi pour pouvoir devenir des historiens critiques, c'est ça ? Pour se donner la possibilité ouais. d'être rebelle. Merci, et donc évidemment, c'est le thème des rendez-vous de l'histoire de Blois où nous serons vendredi. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Lucas Vaillant était à la technique avec nous et Séverine Cassa à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger pendant un an après qu'elle ait été diffusée sur notre antenne et laisser vos commentaires sur nos pages ou en nous écrivant à fabrique@radiofrance.com ou encore en participant au groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.